Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. Avec moins de 110 milliards de francs burundais de déficit sur les prévisions, le ministre des Finances reconnaît à cette date que l'Office burundais des recettes ne pourra pas faire les rentrées fiscales escomptées au premier trimestre 2024-2025. Vous l'entendrez. Environ 800 ressortissants d'Oman vivant au Burundi ont été identifiés comme des personnes à risque d'apatridie. Notre correspondant Angozi nous rapportera le contenu d'un atelier d'échange qui a eu lieu sur la situation d'apatridie au Burundi. Et la classe de 5e année à l'école fondamentale Kinga en commune scolaire de Kayanza manque énormément de manuels scolaires. On se livre pour une centaine d'élèves, que ce soit en maths, en langue ou en sciences et technologies. Cette situation intenable pour le maître responsable à cet établissement scolaire est malheureusement généralisable à tout le pays, selon le président de la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'éducation et de l'enseignement. Dans la chronique Environnement ce vendredi, il sera question du plastique avec l'enseignant et chercheur Rémi-Marie Mourouziza. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. La classe de 5e à l'école fondamentale Kinga en commune scolaire Kayanza souffre d'un manque criant de manuels scolaires où plus de 120 élèves se partagent trois manuels de trois disciplines dont les langues, les maths et les sciences et technologies. C'est au moment où deux enseignants prestant dans cette classe partagent un seul guide d'enseignant. Le maître responsable à cet établissement scolaire indique que le manque de ces manuels impacte négativement sur le rendement scolaire. En réaction, le président de la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'éducation et de l'enseignement demande au ministère de l'Éducation nationale de prendre au sérieux cette problématique. Antoine Manouma regrette que la situation se soit presque généralisée et explique que les enseignements dispensés durant ce premier trimestre sont tronqués suite à son manque de manuels des élèves. Écoutez ses précisions. Le premier trimestre s'achemine vers sa fin, alors que les apprenants de 5e année de l'école fondamentale de tout le pays n'ont pas été dotés de livres de l'élève à temps suite à leur impression à l'étranger. L'absence de ces livres a contraint les anciens de cette classe à dispenser des enseignements tronqués parce que chacun devait se débrouiller de sa manière à base de fichiers du maître reçus après des formations en cascade sur les nouveaux programmes issus de la réforme. Ces derniers n'ont reçu que des fichiers du maître. Pendant la pratique de classe, les exploitations devenaient problématiques, surtout lorsqu'il s'agissait d'exploiter les textes support. Cette situation s'est produite alors que le ministère ayant l'éducation dans cette attribution dispose de la régie de production pédagogique RPP qui est en service dont les attributions sont de produire et de commercialiser les manuels et autres documents pédagogiques. Qu'est-ce qui manque pour que cette institution s'acquitte correctement de sa tâche pour la disponibilité à temps des manuels? Si les manuels sont disponibles, les élèves pourront-ils poursuivre les enseignements du deuxième trimestre, alors que ceux du premier trimestre sont biaisés? La Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation du Burundi, FENASEB, demande au ministère et à l'éducation dans ses attributions de ne pas négliger cette question, parce que la compréhension des matières de la sixième année est conditionnée par la maîtrise des contenus de cinquième année. La réforme en cours atteindra la sixième année fondamentale l'année scolaire prochaine. Nous demandons qu'elle soit préparée en conséquence. Antoine Manouma, président de la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'éducation et de l'enseignement. Je vous l'avais dit en titre, environ 800 ressortissants d'Oman vivant au Burundi ont été identifiés comme des personnes à risque d'apatridie. Déclaration faite ce jeudi à Ngozi par le coordonnateur de l'Office national pour la protection des réfugiés et apatrides, ONAPRA, dans un atelier d'échange sur la situation d'apatridie au Burundi. Atelier organisé conjointement par la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, et la représentation du Haut Commissariat pour les réfugiés au Burundi. Les participants ont émis le souhait de mettre en place un groupe de réflexion élargi qui collaborerait avec l'ONAPRA sur l'apatridie au Burundi. Apollinaire Monzagara. Comme l'indiquent différents conférenciers, y compris le coordonnateur de l'Office national en charge de la protection des rapatriés et apatrides, le Burundi n'a pas encore enregistré des apatrides, mais connaît des personnes à risque d'apatride. Richard Wimana donne ici l'exemple des Omanais vivant au Burundi. Il tranquille tout de même que le Burundi a déjà fait grand-chose, alors dans le sens du respect des droits de ces derniers. Le Burundi a soumis, engagement. Et parmi ces oui engagements, il y a l'engagement de développer et adopter un plan national sur l'éradication de l'apartheid. C'est dans ce sens que nous avons organisé cet atelier pour voir comment on peut mettre en place ce plan national d'éradication de l'apartheid ici au Burundi. Il a été évoqué également les descendants des Burundais qui sont allés dans les pays voisins, principalement en Tanzanie, au Kenya et ailleurs, qui aujourd'hui n'ont ni la nationalité burundaise ni celle des pays d'accueil. À ces derniers, Wimana Richard leur conseille de formuler leurs demandes auprès des autorités compétentes burundaises. Certains ont même parlé des Burundais qui sont sur le sol burundais, qui risquent l'apatride. C'est le cas des enfants nés sur des étrangers qui viennent résider temporairement au Burundi et partent, ou des enfants de la rue qui grandissent sans être enregistrés. À propos, le souhait a été l'élargissement du groupe de réflexion sur l'apatride au Burundi afin de protéger ces personnes d'énormes conséquences de l'apatride. Dongozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire. Et le gouvernement coréen, à travers son agence de coopération internationale, COICA, vient d'accorder un appui financier de 6 millions de dollars américains à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés HCR au Burundi pour son opération de rapatriement et de réintégration des anciens réfugiés burundais. Dans un communiqué parvenu à notre rédaction, l'OHCR précise que le projet de la vulnérabilité à l'autonomisation, construire des communautés sûres et sécurisées, qui fait l'objet de ce financement, couvrira tout le territoire national et bénéficiera à environ 175 000 personnes sur une période de 3 ans, c'est-à-dire d'octobre 2024 à octobre 2027. Il couvre des secteurs variés de la protection internationale et d'assistance humanitaire internationale, y compris le rapatriement et la réintégration des anciens réfugiés burundais, le suivi de protection, l'assistance légale, la documentation civile, la construction des maisons, la santé et l'éducation. Isanganiro, la radio de l'avenir. Le Conseil des ministres du mercredi 27 novembre 2024 a donné son accord au gouvernement pour commencer les négociations avec Exim Bank of India en vue de résilier ou de réorienter le crédit d'un montant de plus de 160 millions de dollars américains destinés à construire certaines infrastructures publiques. Depuis sa signature en 2019 jusqu'à l'heure actuelle, aucun décaissement n'a eu lieu. Le Conseil des ministres recommande de renforcer la rigueur dans la gestion budgétaire et d'étudier les stratégies pour accroître les recettes. Comme le relève le secrétaire général du gouvernement et porte-parole dans un compte-rendu du Conseil des ministres de ce mercredi, il a été recommandé de procéder immédiatement à la révision budgétaire. Suivant Jérôme Nyonzima. Les plafonds d'engagement budgétaire sont soumis à la loi portant fixation du budget général de la République du Burundi pour l'exercice 24-25 qui introduit l'élaboration des plafonds d'engagement trimestriels des dépenses sur base des PDB. Les plafonds d'engagement constituent un outil indispensable de régulation des dépenses. Conformément à la loi des finances 24-25, tout gestionnaire du crédit doit engager des dépenses à la limite du crédit voté et accordé. Le ministre ayant les finances dans ses attributions est autorisé à prendre les mesures qui s'imposent pour éviter le dépassement des crédits. Après échange et débat, le projet a été adopté avec, entre autres, recommandations de renforcer la rigueur dans la gestion budgétaire en évitant des dépenses non prioritaires, d'étudier des stratégies pour accroître les recettes et de procéder immédiatement à la révision budgétaire pour ajuster les dépenses aux ressources disponibles. C'était Jérôme Niyonzima, il est secrétaire général de l'État et porte-parole. Et le ministre du Budget a déclaré que les recettes attendues pour le premier trimestre de l'exercice en cours ne seront pas atteintes. Audas Niyonzima l'a dit après une visite effectuée à l'Office burundais des recettes pour échanger sur des stratégies à prendre pour l'augmentation des recettes. C'est au moment où la journée du contribuable sera célébrée ce mardi 3 décembre 2024. Audas Niyonzima a précisé qu'il y a écart de plus de 110 milliards de francs burundais sur les recettes attendues. On l'écoute. Nous avons effectué une visite dans les bureaux de l'Office burundais des recettes. L'objectif, c'était de remettre les employés au travail parce que, comme vous l'avez constaté, au cours de l'exercice passé, nous avons pu réaliser le target, donc l'objectif des recettes qui étaient prévues dans le budget. Mais le constat que nous avons au gouvernement, c'est qu'au cours de ces 4 premiers mois, nous ne sommes pas en train de réaliser les objectifs qui se sont fixés. Donc pendant les 4 premiers mois, nous sommes en dessous de l'objectif d'environ 110 milliards. Bon, il y a des raisons pour ça qui peuvent être avancées, mais il y a d'autres qui ne peuvent pas tenir. Nous avons invité, exhorté tout le personnel de l'OBR de se séparer des mauvaises habitudes, ça veut dire des habitudes de fraude au niveau des douanes et au niveau des taxes internes. Aussi d'assurer le suivi des contribuables, parce que ces derniers temps, nous constatons que les contribuables ne sont pas en train de se conformer à la loi, notamment en délivrant la facture. Parce que c'est sur base de la facture que nous collectons la taxe sur la valeur ajoutée, qui constitue la principale source des recettes. Donc nous avons exhorté les employés de l'OBR de se ressaisir, de se remettre au travail, de mettre plus d'efforts pour réaliser les objectifs qu'on a fixés dans le budget. Parce que si on n'atteint pas les objectifs, on ne pourra pas exécuter les missions qui sont prévues dans le budget. Et parmi les obstacles qui sont avancés, c'est les moyens de travail, notamment les bureaux. Il y a un bureau qui est loué au port, il y a aussi un autre bureau qui est loué ici à Kigobe. Et tous ces bureaux s'avèrent actuellement inconfortables et insuffisants. Et c'est pour cela que le gouvernement a développé ce projet de construction d'un bâtiment qui va abriter tous les bureaux de l'OBR. Nous nous rendons compte que les constructions sont ralenties par un certain nombre de problèmes. Nous sommes convenus que nous allons mettre les moyens qu'il faut pour accélérer la construction et achever ce bâtiment. Audas Niyonzima, le ministre en charge du budget. Le Burundi exprime sa fierté par rapport aux progrès réalisés dans le contrôle de l'épidémie du VIH. En effet, 95,5% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut, alors que 99,8% d'entre elles sont sous traitement antirétroviral, selon le directeur du Programme national de lutte contre le sida. Toutefois, Dr Emenda Izeye indique que malgré toutes ces avancées notées à la veille de la célébration de la Journée mondiale contre le sida, de nouvelles infections sont toujours observées chez certains groupes, dont les enfants de moins de 4 ans et les jeunes dont l'âge est compris entre 15 et 24 ans. À mesure des progrès, on fait référence beaucoup plus par rapport aux cibles mondiales que les pays sont appelés à atteindre. Ici, je dois citer les 3,95 que nous sommes appelés à atteindre en 2025 pour maintenant continuer à les maintenir, pourquoi pas améliorer jusqu'à la fin de 2030 pour être certifié d'avoir éliminé le VIH. Par rapport à ces 3,95, dont le premier signifie qu'il faut qu'au moins 95% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique. Le deuxième, c'est qu'il faut qu'au moins 95% de ces personnes qui connaissent leur statut sérologique soient sous traitement antirétroviral. Et le troisième, il faut qu'au moins 95% de ces personnes vivant avec le VIH sous traitement antirétroviral aient une charge virale indétectable. Et par rapport au premier 95, nous sommes actuellement à 95,5% des personnes vivant avec le VIH qui connaissent leur statut sérologique. Pour le deuxième, nous avons 99,9% des personnes vivant avec le VIH qui connaissent leur statut sérologique qui sont sous traitement antirétroviral. Et le troisième, nous avons 92% des personnes vivant avec le VIH sous traitement antirétroviral qui ont une charge virale indétectable. Vous voyez que nous sommes en train de cheminer vers l'atteinte de ces 3,95. Et d'ailleurs, l'année 2023, le Burundi a été primé comme quoi étant parmi les pays qui sont en train de bien progresser vers l'atteinte des cibles. Là, nous devons préciser aussi que nous avons sensiblement réduit les nouvelles infections à VIH et les décès qui sont liés au VIH à un taux qui avoisine 70%. Mais bien que nous avons réduit les nouvelles infections à VIH, parmi les nouvelles infections, nous constatons que la grande proportion est observée chez les enfants de 0 à 4 ans, ce qui est dû à la transmission mère-enfant. L'autre catégorie, ce sont les personnes qui ont l'âge entre 15 et 49 ans, et d'ailleurs beaucoup plus les personnes entre 25 et 49 ans. Lancement ce jeudi du prototype d'une plateforme appelée Gitega Innovation Network, créée par les jeunes innovateurs de la province de Gitega élargie. Cette plateforme contribuera au développement de cette province, comme l'indique son directeur général. Une foire exposition des œuvres des jeunes entrepreneurs est en cours depuis ce jeudi. Le conseiller socioculturel de la province de Gitega les appelle à se regrouper en association pour avoir plus de force. Gérard Nibigira. Selon Silas Chimilimana, directeur général de la plateforme appelée Gitega Innovation Network, créée par les jeunes innovateurs de la nouvelle province Gitega élargie, cette plateforme apportera sa part de contribution au développement de cette province en général et au développement des jeunes innovateurs en particulier. Pour lui, les hôtels, les lieux touristiques, différentes entreprises, les hommes d'affaires variés, dont les entrepreneurs et commerçants qui le voudront bien, se feront connecter à cette plateforme pour leur publicité. En outre, leur cette récits seront bénéfiques pour les jeunes membres et ainsi le développement à toutes les parties suivra, ajoutait-il. De son côté, le conseiller socio-culturel du gouverneur de Gitega, Samuel Ninahazwe, salue les réalisations des jeunes qui ne croisent pas les bras en général et ces jeunes innovateurs de Gitega en particulier. Cependant, il conseille aux jeunes de se regrouper en associations coopératives selon leur expérience, talents et connaissances afin d'aboutir vite à de grandes réalisations. Les jeunes innovateurs de Gitega, créateur de la plateforme Gitega Innovation Network, sont appuyés par l'ONG CARE International via son projet Tué à Karolero, comme le précise sa coordinatrice, Madame Erina Chimilimana. Dans son allocution, le représentant provincial du Conseil national de la jeunesse du Burundi à Gitega, Dr Laurier Ouayo, fait savoir que son conseil soutient tous les jeunes qui sont en train de travailler. À vous, jeunes appuyés par n'importe quel acteur ou partenaire de développement, innovateur présent aujourd'hui. Je vous invite à saisir cette opportunité pour bâtir des partenariats solides, partager vos expériences et idées et renforcer vos compétences. Soyez les ambassadeurs de la lutte contre les violences basées au genre. Soyez également les porte-étendards de comportements responsables en matière de santé sexuelle et reproductive. Le Conseil national de la jeunesse burundaise continuera à jouer son rôle de catalyseur pour le développement des jeunes. Ensemble, avec le soutien du gouvernement du Burundi et de nos partenaires respectifs, nous pouvons faire en Burundi un modèle de transformation économique et sociale porté par sa jeunesse. C'est au moment où ce jeudi, les jeunes innovateurs de la nouvelle province Gitega élargie ont lancé le prototype de la plateforme Gitega Innovation Network et ont organisé une foire exposition des jeunes innovateurs, dont une qui produit l'aliment appelé spaghetti à base de la farine et du maïs. Et cette foire exposition prend fin ce vendredi. Depuis Gitega, Jean Ibigira pour Radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique environnement. Le plastique est fabriqué à partir des résidus du pétrole auxquels on ajoute d'autres éléments comme des colorants pour obtenir différentes couleurs. Rémi Marie Nkurunziza, enseignant et chercheur à l'Université du Burundi, indique que le plastique couramment utilisé fait 400 ans pour se décomposer, ce qui cause des effets négatifs sur l'environnement, notamment en empêchant les plantes d'accéder à l'air dont elles ont besoin pour respirer. Lydie Gahimbare. Les plastiques sont des matériaux fabriqués à partir des matières en provenance du pétrole. Rémi Marimundiza, enseignant et chercheur à l'Université du Burundi, explique que les plastiques se trouvent partout au monde entier. Les plastiques sont des matériaux fabriqués à partir de la polymérisation des composés éthylène, propylène, styrène, ainsi de suite. Ici, principalement du vapocraquage des hydrocarbures en provenance de la distillation du pétrole. On les retrouve sous deux formes, il y a les thermoplastiques et les thermodurcissables. Les plastiques, on les retrouve partout au monde et sont fabriqués en masse parce que nous les utilisons dans notre vie quotidienne, presque partout, dans nos habillements, dans tout ce que nous faisons, donc l'usage des objets fabriqués. Ce chercheur explique également que ces matériaux ne sont pas biodégradables. Ils demandent beaucoup de temps pour se décomposer, au moins 400 ans. ajoute-t-il. Et ces plastiques, d'abord, ce sont des matériaux qui ne sont pas biodégradables, demandent beaucoup de temps pour que ça puisse donc se décomposer très lentement, et même en s'oblisant en tout petits minuscules morceaux appelés microplastiques. Et ces microplastiques pénètrent dans la chaîne alimentaire marine et deviennent extrêmement nocifs pour la vie marine. Le plastique contient également des polluants toxiques qui endommagent l'environnement et qui causent la pollution non seulement de l'eau, mais des sols et même de l'air. Les autres effets négatifs des plastiques, ces matières ne peuvent pas se dissoudre facilement dans l'eau, ce qui empêche la photosynthèse à se produire, d'où le manque d'oxygène pour les plantes. Et le danger est que ces matériaux sont très légers, ne peuvent pas se dissoudre facilement dans l'eau, donc ils vont surnager sur cette masse d'eau, et en surnageant sur l'eau, ils vont former une sorte de couverture qui va empêcher que les rayons du soleil puissent pénétrer à l'intérieur de l'eau pour que les activités du phytoplancton, des algues, surtout des algues, ne puissent pas faire ce que nous appelons la photosynthèse. Alors, en surnageant sur la surface de l'eau, ils vont provoquer un milieu qui est anaérobique. Et l'eau devient moins riche en oxygène dissous parce que la photosynthèse ne se fait pas correctement. Alors, ça devient un danger pour la biodiversité du lac. Rémi Marie Nkurunziza, chercheur et enseignant à l'Université du Burundi, invite la population à éviter de jeter les plastiques n'importe où et aux industries à faire le recyclage afin de protéger l'environnement. Et ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.